Bonjour à tous, c'est Gabriel Leblanc qui vous parle des studios de Cœur d'encre. Merci d'avoir prié pour moi, je vais mieux. Merci. Maintenant, c'est pour ma famille qu'on va prier, eux qui ont attrapé cette grippe. Mais voilà, on continue nos lectures bibliques, fidèles à l'habitude. On est rendu à Lévitique, chapitre 6. Et je vais lire le verset 1 jusqu'au chapitre 7, verset 21. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Transmets ces commandements à Aaron et ses fils. Voici la loi concernant l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu y restera allumé. Le matin, le prêtre mettra ses caleçons de lin et sa tunique de lin. Il enlèvera les cendres grasses provenant de la combustion de l'Holocauste sur l'autel et les déposera à côté de l'autel. Puis il changera de vêtements et emportera les cendres hors du camp dans un endroit rituellement pur. Le feu devra rester allumé sur l'autel et ne jamais s'éteindre. Le prêtre l'alimentera en bois tous les matins. Il disposera l'Holocauste dessus et y brûlera les graisses des sacrifices de communion. Le feu sera perpétuellement allumé sur l'autel, il ne devra jamais s'éteindre. Voici la loi concernant l'offrande. Les fils d'Aaron l'apporteront devant l'Éternel, devant l'autel. L'un des prêtres prélèvera une poignée de fleurs de farine de l'offrande, avec de l'huile et tout l'encens qui se trouve sur l'offrande, et il les brûlera sur l'autel pour que l'odeur apaise l'Éternel et qu'elle soit un mémorial pour lui. Ce qui restera de l'offrande sera mangé par Aaron et ses fils. Ils le mangeront sans levain, dans un lieu saint, dans le parvis de la tente de la rencontre. On ne fera pas cuire avec du levain. C'est la part que je leur ai donnée de mes offrandes consumées par le feu. C'est une chose très sainte, comme le sacrifice pour le péché et le sacrifice de réparation. Tous les hommes descendants d'Aaron pourront en manger. C'est la part qui leur revient pour toujours, de génération en génération, sur les offrandes consumées par le feu qui appartiennent à l'Éternel. Tous ceux qui y toucheront seront sacrés. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Voici ce qu'Aaron et ses fils offriront à l'Éternel le jour où ils recevront l'onction. 3 kg de fleurs de farine, à titre d'offrande permanente, la moitié le matin et la moitié le soir. Cette farine sera pétrie avec de l'huile et la pâte obtenue sera cuite à la poêle. Tu offriras cette galette en morceaux en tant qu'offrande dont l'odeur apaise l'Éternel. Le fils d'Aaron, qui aura reçu l'onction pour lui succéder comme prêtre, fera aussi cette offrande. C'est la part qui revient pour toujours à l'Éternel. Elle sera entièrement brûlée. Toute offrande faite par un prêtre sera entièrement offerte. On n'en mangera rien. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Dis à Aaron et ses fils, voici la loi concernant le sacrifice pour le péché. La victime pour ce sacrifice sera égorgée devant l'Éternel, au même endroit que l'Holocauste. C'est une chose très sainte. Le prêtre qui officie pour ce sacrifice le mangera. Il le fera dans un lieu saint, dans le parvis de la tente de la rencontre. Quiconque entrera en contact avec la viande de ce sacrifice sera sacré. Si du sang gicle sur un vêtement, tu le laveras à l'endroit taché dans un lieu saint. Si on fait cuire la viande du sacrifice dans un récipient de terre, on le brisera si c'est dans une marmite de bronze qu'on l'a fait cuire, on la nettoiera, puis on la rincera à grande eau. Tous les hommes de la famille du prêtre pourront manger de cette viande, c'est une chose très sainte. Toutefois, on ne mangera aucune viande d'un sacrifice pour le péché dont on doit porter du sang dans la tente de la rencontre pour accomplir le rite d'expiation dans le sanctuaire. Elle sera brûlée au feu. Voici la loi concernant le sacrifice de réparation. C'est une chose très sainte. On égorgera la victime du sacrifice de réparation au même endroit que l'Holocauste et l'on aspergera de son sang tous les côtés de l'autel. On en offrira toutes les parties grasses, c'est-à-dire la queue, la graisse qui recouvre les entrailles, les deux rognons, la graisse qui les enveloppe et celle qui couvre les flancs, ainsi que le lobe du foie qu'on enlèvera avec les rognons. Le prêtre les brûlera sur l'autel. C'est un sacrifice de réparation consumé par le feu pour l'Éternel. Tous les hommes faisant partie des prêtres pourront en manger. Ils le feront dans un lieu saint, car c'est une chose très sainte. La même loi régit le sacrifice de réparation et le sacrifice pour le péché. La viande de la victime revient au prêtre qui fait l'expiation. Quand un prêtre offre l'holocauste d'une personne, la peau de la victime qu'il a offerte lui revient. Toute offrande, qu'elle soit cuite au four, dans une marmite ou une poêle, reviendra au prêtre qui l'a offerte. Par contre, toute autre offrande, pétrie à l'huile ou sans huile, appartiendra à tous les descendants d'Aaron sans distinction. Voici la loi concernant le sacrifice de communion que l'on offre à l'Éternel. Si on l'offre comme une expression de reconnaissance, on offrira avec ce sacrifice de reconnaissance des gâteaux sans levain, pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile, ainsi que des gâteaux faits de fleurs de farine pétris à l'huile. On présentera l'offrande sur des gâteaux de pain levé pour compléter le sacrifice de communion offert par reconnaissance. On prélèvera sur chacune de ces offrandes une portion pour l'offrir à l'Éternel. Celle-ci reviendra au prêtre qui aura fait l'aspersion du sang pour le sacrifice de communion. La viande du sacrifice de communion, offerte par reconnaissance, sera mangée le jour où l'on l'offre. On n'en laissera rien jusqu'au lendemain matin. Si le sacrifice de communion est offert pour accomplir un vœu ou comme un don volontaire, une partie de la viande de la victime sera mangée le jour où on l'offre, mais le reste pourra être mangé le lendemain. Ce qui restera de la viande du sacrifice le surlendemain sera brûlé. Mais si l'on en mange le surlendemain, celui qui a offert le sacrifice ne sera pas agréé, son sacrifice ne compte pas. Car cette viande est devenue impure, et celui qui en mange sera coupable d'une faute. Si la viande est entrée en contact avec une personne ou un objet rituellement impur, on ne la mangera pas, il faudra la brûler. Toute personne rituellement pure pourra manger de la viande du sacrifice de communion, mais si quelqu'un mange de la viande du sacrifice de communion qui appartient à l'Éternel, alors qu'il se trouve en état d'impureté rituelle, il sera retranché de son peuple. De même, si quelqu'un mange de la viande du sacrifice de communion qui appartient à l'Éternel, après avoir touché quoi que ce soit de rituellement impur, impureté d'homme, animal impur ou quelque autre chose interdite et impure, il sera retranché de son peuple. Psaume 37, les 11 premiers versets, je suis encore dans la version Sommer aujourd'hui. Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font le mal, car rapidement, comme l'herbe au champ, ils seront fauchés et se faneront comme la verdure. Mets en l'Éternel toute ta confiance, fais ce qui est bien, et dans le pays tu demeureras en sécurité. En Dieu mets ta joie, et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à lui. Ne t'irrite pas devant le succès qu'obtiennent les uns, ni les ruses que déploient les autres. Laisse la colère, calme ton courroux. Ne t'irrite pas, car en fin de compte, tu ferais le mal. Or, qui fait le mal sera retranché, tandis que tous ceux qui ont mis en l'Éternel leur espoir auront le pays comme possession. D'ici peu de temps, finis le méchant. Tu demanderas où il est passé, il ne sera plus. Mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession, et ils jouiront d'une paix profonde. Ne la convoite pas dans ton cœur à cause de sa beauté. Ne te laisse pas séduire par ses œillades. Car à cause d'une femme débauchée, on peut être réduit à un morceau de pain. Et la femme adultère met en péril une vie précieuse. Peut-on mettre du feu dans sa poche pendant que les vêtements s'enflamment? Peut-on marcher sur des braises sans se brûler les pieds? De même, celui qui court après la femme de son prochain ne demeurera pas indemne. S'il la touche, il ne saurait rester impuni. On ne méprise pas celui qui a volé pour assouvir sa faim parce qu'il n'avait rien à manger. Mais s'il est découvert, il devra restituer 7 fois plus. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère est dépourvu de sens. Agir ainsi, c'est se détruire soi-même. Celui qui fait cela ne récoltera que souffrance et déshonneur. Sa honte ne s'effacera jamais. Car la jalousie met le mari en fureur. Il sera sans pitié au jour de la vengeance. Il ne se laissera apaiser par aucune indemnité. Il ne l'acceptera pas, même si tu multiplies les présents. Matthieu, chapitre 10, les 25 premiers versets. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. D'abord, Simon, appelé Pierre, puis André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts. Jacques, fils d'Alphée et de Thaddée. Simon, le zélé. Et Judas l'Iscariote, celui qui a trahi Jésus. Ce sont ces 12 hommes que Jésus envoya après leur avoir fait les recommandations suivantes. N'allez pas dans les contrées païennes et n'entrez pas dans les villes de la Samarie. Rendez-vous plutôt auprès des brebis perdues du peuple d'Israël. Partout où vous passerez, annoncez que le règne des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts. Rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne mettez dans vos bourses ni or, ni argent, ni pièces de cuivre. N'emportez pour le voyage ni sac, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Chaque fois que vous arriverez dans une ville ou un village, faites-vous indiquer quelqu'un de recommandable et restez chez lui jusqu'à votre départ de la localité. En franchissant le seuil de sa maison, saluez ses occupants et dites « Que la paix soit avec vous ». S'ils en sont dignes, qu'elles reposent sur eux, sinon qu'elles vous reviennent. Si dans une maison ou dans une ville, on ne veut pas vous recevoir, ni écouter vos paroles, quittez la maison ou la ville en secouant la poussière de vos pieds. Vraiment, je vous l'assure, au jour du jugement, les villes de Sodome et de Gomorre seront traitées avec moins de rigueur que les habitants de ces lieux-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents, et innocents comme des colombes. Soyez sur vos gardes, car on vous traduira devant les tribunaux des Juifs et on vous fera fouetter dans leur synagogue. On vous forcera à comparaître devant des gouverneurs et des rois à cause de moi pour leur apporter un témoignage, ainsi qu'aux nations païennes. Lorsqu'on vous traduira devant les autorités, ne vous inquiétez ni du contenu ni de la forme de ce que vous direz, car cela vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'Esprit de votre Père qui parlera par votre bouche. Le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort, et le père livrera son enfant. Des enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Si l'on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Vraiment, je vous l'assure, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, ni le serviteur supérieur à son maître. Il suffit au disciple d'être comme celui qui l'enseigne et au serviteur comme son maître. S'ils ont qualifié le maître de la maison de Béelzébul, que diront-ils de ceux qui font partie de cette maison? Seigneur Dieu, merci parce que tu es avec nous tous les jours de notre vie. Quand tu as envoyé tes disciples, tu leur as demandé de faire des nations, tes enfants, en leur annonçant ta paix, en leur annonçant ton royaume. Ce commandement est pour nous aussi, Seigneur. Aide-nous à faire la paix autour de nous. Aide-nous à annoncer le royaume. Et que l'Esprit parle par nos bouches quand on s'adresse à d'autres personnes et qu'on parle de ta loi, de ta vérité. Je te prie, Seigneur, que par nos actions, les gens voient qu'on est chrétien, qu'on est tes enfants. Et merci pour ce don immense que tu nous as fait en nous adoptant comme tes enfants. Je te remercie aussi parce que Jésus est venu accomplir tous les préceptes que tu avais donnés dans l'Ancien Testament, tout ce que tu avais ordonné a été accompli, puis on n'a pas besoin de faire tout ça aujourd'hui à cause du sacrifice de Jésus qui est suffisant. Merci Seigneur, parce qu'on n'a pas tous ces détails à faire, mais on a simplement à se remettre entièrement en Jésus. Merci pour Jésus qui est venu nous sauver, qui est venu nous donner la vie. Je te prie, Seigneur, que tu prépares nos cœurs pour demain, pour le jour du sabbat où tu nous appelles à aller t'adorer en assemblée. Bénis ce jour du sabbat et bénis-nous cette semaine aussi qui commence. Amen.